Et bonjour tout le monde, ça y est, on est en septembre, c'est la reprise sur Radio Nos Cultures. Aujourd'hui, vous êtes dans une émission de La Pochette. Peut-être que vous aviez reconnu le générique si vous êtes des amateurs, des habitués de la radio. Si vous n'êtes pas habitués, eh bien vous pouvez aller sur radionoscultures.wordpress.com pour écouter toutes les émissions de la saison précédente. Vous allez voir qu'il y en a, pas mal, il y en a pour tous les goûts. Cette année aussi, il y en aura pour tous les goûts. On a un petit peu revu la formule et cette année, vous aurez une émission par semaine. Tous les jeudis soirs en alternance. Voilà, aujourd'hui c'est le premier jeudi du mois, alors ça sera La Pochette comme tous les premiers jeudis du mois. Aujourd'hui on va donc découvrir un nouvel artiste, un nouvel album que je vais vous faire écouter en entier. La semaine prochaine, deuxième jeudi du mois, ça sera La Boîte à Gants avec comme invité Sébastien Ibichente et Manuela, la nouvelle qui va venir. Vous allez voir, elle a beaucoup d'énergie, mais ça sera pour la semaine prochaine. La semaine suivante, donc troisième jeudi du mois, ça sera un Chronobio, émission que vous connaissez sans doute déjà, dans laquelle on suit un groupe du début à la fin de sa carrière chronologiquement pour un petit peu voir l'évolution. Et puis un petit dernier pour le quatrième jeudi du mois que j'ai appelé Silence pour parler de musique avec des groupes de musique. On va inviter chaque mois un artiste, des artistes, une artiste. On verra pour discuter de leur œuvre. Et puis pour les fois, il y aura un cinquième jeudi. Et bien là, on verra. Ce sera des surprises, des émissions un peu spéciales. Ça n'arrive que trois fois dans l'année. Donc on verra ça. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est dans La Pochette. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe argentin créé en 85. Ça date un peu. Ça fait quoi, presque 40 ans maintenant. Un groupe s'appelle Todos Tus Muertos. Voilà, les amateurs connaîtront. C'est un groupe qui a eu pas mal de succès en Amérique du Sud, pas mal en Europe aussi, en Espagne surtout. Et aujourd'hui, on va écouter un album qui s'appelle Dale Aborigen, 1994. C'est le troisième album du groupe. Un groupe qui, à l'époque, se distinguait des autres par leur style. Alors, à l'époque, donc, des années 80, c'est le punk qui commence à arriver au début des années 80 en Amérique du Sud, comme un petit peu partout dans le monde finalement. Et plutôt que de suivre vraiment la tendance punk, ils vont aller un peu plus loin et ils vont intégrer des parties punk hardcore, mais aussi des parties reggae dans leur chanson, qui est alors un groupe qui est alors seulement un quatuor jusqu'à cet album-là, mais on en parlera un peu plus tard. Et donc, ils vont réussir avec ça à se différencier des autres dans un premier temps, mais surtout avoir une palette extrêmement large, comme vous pourrez l'écouter sur ce troisième album, de styles, donc des choses très assez violentes qui vont assez vite, le côté punk hardcore, et des choses beaucoup plus posées, beaucoup plus en ambiance pour le reggae, toujours avec des paroles et un sous-texte très revendicatif. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas vous donner la liste des chansons, mais vous pourrez les voir vous-même. Rien que le nom des chansons déjà est assez évocateur. Aujourd'hui, donc, on va écouter le troisième album de Todos Tus Muertos, Dale Aborigen. Nous avons Félix Gutiérrez à la basse, Horacio Villafañe à la guitare, Gameshane, c'était son surnom, Pablo Potenzoni à la batterie, Fidel Naldal à la voix et Pablo Molina aux percussions. Voilà, Pablo Molina qui n'arrive sur cet album-là seulement, les deux albums précédents étant seulement le quatuor. Deux choses à remarquer sur cet album. Déjà, la présence de Manu Chao et de Fermin Muguruza. Ouais, Fermin Muguruza, c'est un petit peu un gag éculé, mais il est vraiment partout, c'est incroyable. Manu Chao, premièrement, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé dans Chronobio de La Mano Negra, et le dernier album de La Mano Negra, qui s'appelle Casa Babylon, a été composé dans une ambiance de fin de groupe. Et a été composé en Amérique du Sud dans leur espèce de tournée où ils étaient en moitié en train, en moitié en bateau. Enfin, c'est un peu le bordel. Je vous invite à aller écouter le chronobio consacré à Mano Negra sur radionoculture.wordpress.com. Et durant cette tournée, ils ont rencontré la Mano Negra, ont rencontré Todos Tus Muertos. Et Manu Chao a invité deux des membres de Todos Tus Muertos sur leur dernier album Casa Babylon, à savoir Fidel Naldal à la voix et Félix Gutiérrez à la basse. Et ensuite, il a rendu la politesse, comme on dit, et donc on va retrouver Manu Chao ainsi que Fermin Muguruza dans plusieurs chansons de cet album. Vous reconnaîtrez très vite, dès la deuxième chanson, il me semble, qu'on entend Manu Chao avec sa rythmique très très particulière qu'on entend dans beaucoup de ses albums où il répète en boucle. Vous savez très bien de quoi je parle, des espèces de slogans dans un style très radiophonique. Et nous avons Fermin Muguruza, puisque cet album a été distribué, produit en tout cas, par un label basque qui s'appelle Eshan Osenki, qui veut dire clairement crie le plus fort ou dit le plus fort, qui était un label créé par et pour Negu Goriak, dans le groupe de l'époque de Frémy Muguruza, et qui s'est ensuite ouvert à pas mal d'autres groupes. Et puis, donc c'est un label qui avait comme ambition de mettre en avant les groupes bascophones. Et puis quand ils se sont rendu compte qu'il y avait d'autres groupes qui étaient vraiment intéressants autour d'eux, ils ont décidé de faire, comment, je ne sais pas comment on dit, un sous-label peut-être, ou tout simplement un label peut-être, dans cette échelle de 5 qui s'appelle Gora Eriak, au pluriel, donc vivent les pays, et dans lesquels ils signent des groupes qui ne sont pas bascophones. Il y aura par exemple Banda Bassotti, les Italiens, il y aura évidemment Todos Tus Muertos, qui sera le tout premier, cet album-là qu'on va écouter, le tout premier album qui sera signé sur ce label. Je pense que c'est pour ça qu'il est très populaire ici. Il y aura par exemple Zebda aussi qui aurait été signé sous ce label-là. Donc pas mal de grands noms quand même. Et donc c'est comme ça que Frémy Muguruza se rejoint son acolyte Mao Chao, que vous connaissez déjà depuis quelques années, sur cet album. Et pareil, lui aussi on le reconnaît facilement à son grain de voix. À noter aussi que je crois c'est la 7e, non, sa 9e chanson il me semble, de cet album-là, est une reprise d'une chanson de Kotatu, donc le groupe de Frémy Muguruza, dans laquelle il prend la voix. Voilà, on est parti pour quoi, un peu moins d'une heure pour cet album-là. Il est très riche, je crois qu'il y a une quinzaine de chansons. Ça peut aller très très vite, comme ça peut être très ambiance aussi. Pour le coup, il y en a vraiment, j'allais dire pour tous les groupes, j'exagère un petit peu, mais dans ce style-là, ce n'est pas du tout droit, tout le temps le même style. Il y a vraiment des choses très différentes. Et puis, ce côté, peut-être un peu tribal, peut-être que, je ne sais pas si le nom de l'album a été choisi après ou avant, mais ce côté tribal avec énormément de voix en fond qui viennent appuyer le chanteur, voire les chanteurs parfois. Alors que, bon, je vois, c'est pour ça que je croyais qu'ils étaient, quand j'étais petit, j'écoutais cet album, je pensais qu'ils étaient 9 ou 10 dans le groupe. Non, ils étaient que 5, mais toutes les voix, voilà, les unes sur les autres, donnent cet effet très, très tribal qui est vraiment cool et qui donne du coup un aspect assez, assez différent de ce qu'on pouvait avoir en Europe à cette époque-là et puis en Europe toujours maintenant. C'est parti, on va écouter l'album de Todos Tus Muertos sorti en 94, ça s'appelle Dale Aborigen. Shabakalimalahare Radhe Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Shama Sh C'était la première chanson de cet album d'Ale Aborigène. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes sur Internet. Et puis bon, ici, on ne voit pas trop l'intérêt de mettre tout l'album sur Internet, sachant qu'en deux clics sur YouTube, vous allez pouvoir le retrouver. Donc n'hésitez pas à aller taper d'Ale Aborigène, d'Ale, D-A-L-E, et Aborigène, Aborigène, hein, finalement. Vous allez facilement le trouver. Le groupe, c'est Todos Tous Muertos, en trois mots. Et voilà, vous allez voir que en plus, la pochette est assez belle, une espèce de une tête de mort avec des couleurs assez vives, un peu là. Alors, je vais te dire une bêtise, un cas ou Maya, je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas assez culturé dans ce domaine-là. En tout cas, vous pouvez retrouver tout cet album-là si vous avez aimé la chanson que vous venez d'écouter. Et voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine.